Bonsoir. Bonsoir. On est le mercredi 9 décembre 2020. Ce sont les entretiens de Grenoble avec Nate Davis, spécial funk. Ça va puer. Pas mal. On écoute DMX Crew là. Mon invité n'est toujours pas là. Nous allons donc l'attendre. En écoutant un morceau de DMX Crew qui s'appelle Wave Funk. Yes, mon invité est arrivé. Voilà, salut, enfin il vient à peine d'arriver. On va continuer avec une autre, un autre morceau. C'est la BO de Car Wash. Voilà, je n'en dis pas plus. On écoute ça et on en parle après. J'espère que ça... Voilà. Talk is cheap. That's right, honey. We'll be right back. Right on. Rock steady. Ooh, this groove is right. Man, okay. Don't make no difference if it's right, cause you can't dance to it. Who's talking? Let me see you get down. Let me see you get down, bro. I'll outdance you any day, man. You can't dance right now. I bet you I can outdance you, man. Let me see you get down. Let's bet on it, then. Okay, how much you wanna bet? Anything you got. I bet you $25. Make it 50. Okay, hey, man, I tell you what you do. I wanna see you get down. You give me your 50. It might be you. I wanna see you get down. Put up a shut up. Salut Nate. Salut Nico, ça va? Ça va, ouais, ça va bien. Alors, spécial funk, là c'était un morceau. Tu l'as déjà vu ce film, Car Wash? C'est quoi? Non, c'est un film, c'est la BO d'un film, Car Wash. Car Wash. Car Wash, ah oui, oui, Car oui. Wash, ouais. Ah, oui, oui, j'ai commencé à regarder et c'était pas. C'était pas super? C'était pas super, non. Bon, c'est un morceau de la BO, Put your money where your mouth is. Ouais. Super. Qu'est-ce que. J'ai pas très bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire mets l'argent où tu peux en gagner, non ou... Non, non, ça, ça veut dire que si tu dis quelque chose, il faut le faire aussi. Ah, c'est ça, oui. C'est ça. Il faut passer à l'acte. Pas juste okay. Parler. Ok, très bien. Ouais. Faut pas être windy, non. J'avais ce truc à propos de Chicago. Il disait que c'était Windy City parce que les gens étaient beaucoup de vent. Ils parlaient beaucoup, ils disaient qu'ils allaient faire des trucs. Ah, peut-être, oui. Et en City. Plus du fait que c'est une ville ouais. Venteuse. Et c'est une ville où il y a beaucoup de funk aussi. C'est une ville très funky. Très funky. Le Midwest en général est ouais. Très funky. Hein. Ouais. On se souvient des Ohio Players. Oui. Dayton, c'est une ville très. Dayton, Ohio. Oui. Hein, c'est le. Ouais. C'est le capitale du funk. Alors, mais en fait, oui, je voulais commencer avec un morceau de Chicago, justement. Ah, c'est drôle que tu as parlé une de bonne, ça. Oui. Super, un grand moment de radio. Oui. Parce que on avait parlé de ça la semaine dernière. J'ai écouté ce, dans les dernières semaines pas mal de gospel contemporary gospel qui est assez funky et on peut trouver des vidéos assez géniales sur YouTube et il y a une vidéo qui c'est Sharae Reed, c'est une bassiste de Chicago. Ça c'est une vidéo je crois qu'il y avait 4 millions de vues ou quelque chose comme ah ouais. Ça et la grosse vidéo ouais. Et c'est juste lui qui il joue le bass sur un morceau avec il y a un chœur derrière et une batteur et mais c'est juste il défonce la scène avec la basse c'est d'accord et est-ce qu'on l'entend aussi ou non on est obligé de voir la vidéo pour parce que j'imagine il y a une gestuelle ou une. Un peu, mais dans le son, on peut entendre les gens qui crient de joie okay. Avec le pouvoir de ces lignes de basse. Donc c'est par le gospel qu'on rentre dans le funk. Ouais. Ok. Et c'est aussi approprié pour la saison parce que c'est Joy to the World. Ouais. C'est une version une espèce de reprise de funk d'une chanson de Noël. Très bien. Merci. On écoute ça. Sharae Reed. Look at your neighbor and say, joy to the world. I'm gonna say it again. Joy to the world. YouTube Rip, ouais. Il y a pas d'album. Non. Pas d'album live. Pas d'album studio. Pas d'album. Non. Non. Parce que c'est non. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est il est pas vraiment. Il est bassiste, mais il joue pas souvent dans les pour les enregistrements. Je crois qu'il joue plutôt pour les groupes d'église. D'accord. Il est juste devenu un peu connu pour célèbre pour cette vidéo virale. C'est lui le leader du groupe, quoi. Non, c'est pas lui. Vraiment. Ah oui. Parce que la basse est très en avant, quoi. Et oui, c'est mais quand même, je vois qu'il avait fait un petit. Il avait dit, bon, je vais faire un truc de basse un peu plus en avant pour ce morceau. Mais normalement, d'accord. Il joue juste okay. La basse. Comme d'accord. Ça. Très bien. Non. Est-ce que tu as encore un morceau un peu. Parce que moi, j'ai des trucs très plus pop, on va dire. Enfin, pas pop, mais moins. Enfin, vraiment. Oui. Plus art funk en fait. Art funk. Ouais. un peu primo funk, je sais pas. Je peux le mettre, hein, puis on verra. Mais si t'as quelque chose qui est encore un peu gospel, oui, peut-être. Ou qui ressemble à ça, ou sinon on peut mettre un morceau. Tu peux mettre le morceau de Doobie Powell, Praise Up. J'ai passé ça l'autre soirée. Ah oui. Praise Up, mais c'est ça, c'est. Tu l'as déjà mis ici? Non. Quand ah oui, chez moi. Oui, bien sûr. Mais c'était. Oui, ah c'est... oui, Praise Up, bah, oui, très bien. Oui, oui, okay. Oui, ça c'est une gospel funk, c'est une. Ouais. C'est une Je le mets. Oui, il est de Connecticut, Hartford. YouTube Rip. Non, Bandcamp. Bandcamp Purchase. Allez, on écoute ça. Praise to the King of Kings and the Lord of Lords. Praise Up. Yes, Dubby Powell. Hartford, Connecticut. Yes. Très très très très très très fort morceau, pardon. Très fort, ouais. Vraiment très assez lent en fait. Je sais pas. Moi j'ai l'impression de. C'est bien. Ouais. Oui. Assez lent. Oui, oui. Du coup c'est il y a toute cette un peu puissance. Oui. Dans la lenteur. Ouais. Funk, ouais, on peut juste rappeler un peu en tant que personne que littéraire de américaine, tu peux nous donner ton expertise de la langue. Bon, non, mais oui, je ne connais vraiment pas l'histoire mais... des mots ou du ouais, genre, non, mais juste sa signification qui n'est pas, ouais. N'est pas peut-être connue. Oui, non, mais oui, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai qu'il y a le double sens de funk comme. Funk comme une mauvaise odeur, funky, ça, quand quelque chose pue, ça peut être funky. Mais il y a une connexion parce que des fois, quand quelque chose est vraiment, un morceau est vraiment funky, on fait une gueule un peu comme si ça sentait mauvais. Mais c'est pas, moi je pensais que c'était quand par exemple le bassiste se met à trouver un riff hyper ouais. funky, c'est lui-même ou la bassiste. Oui. Lui-même se fait là, une tête comme ça, là, comme si ouais. ça sentait mauvais. Ouais, ouais. Oui, peut-être c'est pour ça, parce que ça devient c'est... funky quand on voit que... Ouais. Ouais. Oui, c'est hyper important le bass et la batterie, mais presque plus le bass. Mais oui, on peut voir quand le bassiste commence à bouger et commence à... Parce que j'ai pensé avec le funk, en fait, c'est pas vraiment pour danser, c'est moins une musique de danse, ouais. mais c'est vraiment une musique pour bouger. Ouais. Et on voit quelque chose de funky quand les gens bougent. Danser. Oui, oui, c'est plutôt ouais. bouger dans sa siège. Noder, quoi. Enfin, dodeliner de la tête. Oui, ouais. bouger. Et quand quelqu'un commence à faire ça sans vraiment penser, sans faire exprès, juste, ouais. ça veut dire que c'est funky, quoi. Et c'est donc le funk provoque la stank face, ouais. la face que t'as quand ça pue. Oui, ouais. quand quelqu'un fait un riff ou un fill vraiment nasty. Ouais. Nasty, ouais. Bon, bah, moi je vais mettre un morceau plutôt hard funk, alors qui est, bon, je sais pas, bon, c'est un peu un autre okay. style, c'est Oneness of Juju. Voilà. Alors ça doit être la fin du morceau d'avant. Ouais. On va écouter la fin de ce morceau-là et le suivant. seu canto. Baby, don't stop me. A Paraíba não, não é Chicago, não. E já não é Baião. Baby, don't stop me. Tem o Capone aí, mas tem jagunço aqui, bagunçando a lei. Baby, don't stop me. Violão, trombonado, cristão, sei lá, tô pagando pra ver. Tem gringo já dizendo que fechando ali não vai valer. Violão, trombonado, cristão, sei lá, tô pagando pra ver. Tem gringo já dizendo que fechando ali não vai valer. Vem gente de avião, matungue, caminhão, pra ver quem vai vencer. Baby, não está bem. Quem é que tem razão, se é funk ou é baião? O som é funk. Quem quiser dançar e no sanfoneiro se ligar, tará no baião. Fique no balanço, no balanço, no balanço legal. Fique no balanço, no balanço, que som liga o sol. No balanço legal. Entre no balanço, que sumiu o sol. Entre no balanço, no balanço, no balanço legal. Entre no balanço, que sumiu o sol. Não, não é Chicago, não. Não, não é Chicago, não. Não é a Paraíba, Paraíba, Paraíba, Paraíba, Paraíba, não. Não, não é Chicago, não. Não é Chicago, não. Não é a Paraíba, Paraíba, Paraíba, Paraíba, Paraíba, não. Entre no balanço, no balanço, no balanço legal. Entre no balanço, que sumiu o sol. Entre no balanço, no balanço, no balanço legal. Entre no balanço, que sumiu o sol. Não, não é Chicago, não. Não, não é Chicago, não. Não é a Paraíba, Paraíba, Paraíba, Paraíba, Paraíba, não. Não, não, não é Chicago, não. Não, não é Chicago, não. Não é a Paraíba, Paraíba, Paraíba, Paraíba, Paraíba, não. Não, não é a Paraíba. Ouais, c'est dur le brésilien. À Paraíba, now et Chicago. Chicago. Chicago, ouais. Ouais. Paraíba n'est pas Chicago. Ouais. Paraíba est une petite ville de province. C'est le, je crois que c'est une, pas. une région dans le nord-est de Brésil. Ah, une région. De Bahia. Et d'où, le... vient, d'où vient Marcos Valle? Oui, je crois. Oui, c'est Marcos Valle. Oui, je crois qu'il vient de là-bas. Mais oui, dans le morceau, il dit que. Oui, le, c'est pas Chicago, il mélange un peu la réalité de la campagne brésilienne avec les films de, sur Chicago. Et c'est aussi et un la, mélange la de... musique associée. Oui, ouais. Avec la musique folklorique brésilienne avec le funk américain. Bon. International Funk Music. Yes. Yes. Allez, ben, on va... il va y avoir un truc comme ça, mais à l'envers, là, dans le morceau que j'ai passé. C'est Mandrill. Yes. Déjà ça commence un peu... Mais c'est la fin d'un autre morceau. On écoute. Étrange morceau bi-parti, oui, bi-partisan. C'est encore le funk international. Ouais, international funk. Enfin bon. Donc c'est avec Fat City Strut de Mandrill. Avec donc cette partie salsa. Voilà, un morceau, Ça me fait penser à un morceau de merde, je m'en rappelle plus. Bon, tout m'échappe. Ça m'échappe totalement. Bref, c'est pas grave. Un morceau à deux parties aussi, Monday Morning. Tu sais, ce chanteur connu avec des moustaches, une moustache, Lee Hazelwood. Ah oui. Voilà. Oui. Non, c'est ça ? Ouais. Oui, peut-être. Oui, oui. L'album avec la chanteuse dont je me souviens plus le nom. Je connais pas très bien. Ouais, bon, bref, c'est pas grave. Il y a un morceau en fait où il y a une alternance de mélodies. Et en fait, c'est lui qui parle, elle qui parle. Voilà, bon, bref. Ouais. Bon, c'était juste pour parler. Voilà, Bipolar Funk, très bien. Ouais, mais on va enchaîner avec un morceau encore. Hein. Toujours, c'est ce qu'on fait. Oui, j'avais aussi une question. Ouais. Parce que finalement, le jazz, le nom jazz veut dire autre chose que le jazz. Jazz, ça veut dire un peu le bordel, non le... All that, non, c'est quoi quand on dit all that jazz, un all that jazz. Oui, mais c'est mais, dévié mais... de ça, non? Ça, je veux dire, quand on dit all that jazz, ça vient de la musique ou c'est l'inverse, tu vois, en fait, je veux oui, dire. Moi je ne connais pas l'histoire de. Non, mais. De la terme de jazz. Je crois que all that jazz, ça vient de. Ça vient de musique, de la, cette comédie musicale, je sais pas. Ah ouais. Mais je sais d'accord. pas si c'était all that jazz. Oui, j'ai l'impression qu'il y a toujours un verbe, enfin plus ou moins, à l'origine des musiques. Par exemple, le rock, to rock. Bon, j'en sais un. Oui, mais disco, je crois que, pas que disco, ça, mais. Ça, c'est venu après. Je crois que jazz, c'était déjà. Je ne connais pas. Okay, j'ai non, pas, j'ai pas fait mes recherches. Non, mais c'était pour discuter. Il n'y a pas de. Alors on peut verser un peu vers du white funk ou des tu veux passer le Ron Hardy ah parce oui. que je crois que c'est magnifique et c'est toi qui peux parler mieux de Ron Hardy parce que ah bon non bah pas vraiment tu c'est l'aimes un bien, DJ hein je l'aime bien oui voilà mais ben, je connais il y a toute une série de vinyles qui sont sortis qui étaient des morceaux qui passaient quand il mixait voilà. Oui, notamment je sais plus disco Android là disco Android mais ça c'est un très beau morceau de disco et ça c'est un edit quand même oui un edit qu'il a fait de Isaac Hayes voilà un re-edit et ça c'est on peut le lancer vu qu'il est assez long oui on peut lancer mais on peut parce que lui il a fait cette edit je crois qu'avec avec un lecteur de cassette et le touche, le pause button. Et le pause button, il a fait revenir le disque pour faire le loop, parce que c'était avant qu'il... je crois que c'était avant qu'il coupait... Oui, il faisait des boucles en direct avec une cassette, oui, c'est ça? Oui, je ne sais pas exactement comment il a fait, mais c'était vraiment... Artisanal. Tout au début, c'était avant le sampling, avant tout ça. Mais c'est vraiment impressionnant comme il a fait, parce qu'il a fait ses morceaux. Je crois qu'il a vraiment sorti le funk dans ce morceau, parce que c'était funk, mais c'était quand même un pop funk morceau. Et il a fait un morceau qui a plus, je sais pas, qui vient... Plus de groove. Plus de groove. Original. Plus, un peu plus... hypnotisant, je sais pas. Ouais. Mais ça répétitif, fait, du ça coup. Fait bouger. J'adore ce morceau. Alors on écoute ça pendant 9 minutes. Yes. I won't turn around. Funkilize. Très bien, très bonne édite. Ouais. Très long. Bon, faut, je ne connais pas le morceau originel, mais on a entendu sur le solo de guitare des parties qui sont répétées. Ouais. Qu'il n'y a pas de refrain, en fait, j'imagine qu'il y a un refrain qui ne vient pas là. Je ouais, sais pas. Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'il a, ouais. Il avait pris le break qui doit durer une ou deux minutes. Ouais. Et il fait durer pendant 10 minutes, comme ouais. Ça, avec le coupé, répété, ouais. Ouais, bouclé. Super, ben Ron Hardy, réédite Isaac Hayes, yes. I Can Turn Around. Ron Hardy. Ça me fait penser, du coup, on va verser vers la disco. Alors, je sais pas si c'est bon, ouais. Mais parce que c'était quand même, bon, je sais pas. Oui. C'était moins funk, bon, ça dépend. Oui, mais le, pour moi, le disco, c'est des fois, c'est plus funky que le funk. Que le, ouais. Que le hard funk. Oui. Mais pas toujours. Non, parce mais moi, je me tiens au sujet. Mais il y a quand même du disco qui n'est pas du tout funky. Non, c'est vrai. Et il y a du disco qui est quand même funky. Et il y a du funk qui est... Ouais, non, c'est l'inverse, ça ne marche pas. C'est comme... oui, il y a du disco qui n'est pas funky. Oui. Non, il y a du funk pas funky. Il y a du techno qui n'est pas funky. Oui. il y a plein de choses qui ne sont, sont pas funky. Ça. Moi, j'avais dit... Est-ce que James Brown, c'est funky? Mais bien sûr. Ah, ben voilà. Bon, ben c'est bon. On a trouvé quoi mettre. Mais tu restes dans la définition classique du funk. Ah, ben moi, je suis un peu... Ouais, je suis un peu orthodoxe, moi. Oui. J'ai un thème, je le tiens, mais c'est bien, je le lâche pas. Moi, je voulais un peu regarder, juste ouais, plutôt explorer funky music, la musique qui est funky, qui n'est pas... Ouais, mais alors, faut... Bon. Ouais. Faut essayer de définir le funk. Ouais, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Bon, bah, c'est pas facile, c'est pas difficile en même temps. Si c'est de la musique qui te fait faire le... Oui, je crois que c'est... La face du funk, la stank face. Et qui fait bouger dans... Qui fait bouger, ouais. Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment, il faut qu'il y ait un truc un peu trop lourd dans le funk, parce qu'il faut que ce soit un peu lourd pour que tu fasses cette face, ce stank face. Ouais. J'en sais rien, il y a quand même un côté un peu presque désagréable, tu vois, presque un peu trop, tu vois. Non, je sais pas. Ouais, peut-être, oui. Insistant, quoi. Bon, ouais. J'en sais rien. Ouais. Ou ça peut être un peu, ça doit être un peu trop. Outrageous. Oui. Outrageously funky. Ouais, il me semble, non? Je sais pas. C'est toujours un peu trop. Mais c'est pour ça qu'on aime. Ah voilà. You like that bank? Turn the bank. Walk around the floor. have some Spanish. Could be worth reading what it says in the back of the cover. Alors, c'est un album de 78, Here I Am, Back Where We All Started. Pardon pour mon accent. Because now people want real dance music, I am so glad that the public got wise to the electronic sounds. Either you can or you cannot, I thank God they say I can. Here it is, so spank your butt off. Merci, James. Yes. James Brown. Alors, pardon, ouais, j'aurais dû mettre ce petit morceau pour... De fond. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. La lenteur. Voilà, ouais. Un peu plus fort. Tout le monde aura reconnu, j'imagine. Tout le monde. Tous les fans de Toto. De Toto, ouais. Tous les porcariennes. Porcaroheads. Et en parlant de heads, quand même, James Brown est le seul musicien qui a toujours sa tête sur la rondelle du disque. Oui, c'est voilà. Super. Moi, je vais faire c'est ça fou, hein. Pour mon prochain disque. En plus, tu vois, c'est très très mal découpé, c'est très marrant. Ouais. Je vais faire la même génial. Chose. Mais ouais, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Toi aussi. Moi aussi, ouais. Tout le monde devrait faire ça. Le Birdie... Non, le... Mince, pardon. Quoi? Purdy Shuffle. Oui, ça c'est le beat, le piste de batterie pour Rosanna de Toto. Ouais. Joué par le Jeff Porcaro. C'est lui qui joue là ou... Oui, c'est Porcaro qui joue. Okay. C'est la piste du morceau. Oui, oui. Okay. Et c'est la piste isolée. Et oui, c'est une légende de... des studios, il a joué sur tellement des différents disques de pop et jazz et pas vraiment jazz mais pop et rock de Stevie rock, Dan oui. Notamment choses comme ça dans les années 70-80 et il y a un peu de reverb de Gated Reverb, ouais, Phil Gated Collins reverb. Ouais, et c'est oui parce que ouais, ça c'est un beat qui est dérivé de un vrai beat de funk de Bernard Purdy, The Purdy Shuffle. Qui c'est mais c'est surtout le Purdy Shuffle, c'est sur le hi-hat, non? Non, c'est avec le snare. Il y a des ah oui, d'accord. En anglais, on dit les ghost notes. Ouais, ouais, ok, ouais. Et c'est tout ça qui fait le shuffle. Là. Uh-huh. Mais lui, il a fait ça, mais il a combiné avec le Bo Diddley aussi, qui est une des origines de funk aussi. Là. Bon, bon, bon. On va entendre ça, c'est le dans le chorus. Ok. Mais après, on ça va... C'est le... Ouais. Ouais. Ah oui, mais dans le... Oui, ouais, dans le prochain. Très bien, on parlait de quoi? Oui, parce que ça, c'est pas du funk, mais c'est funky. C'est funky, ouais. C'est pas du funk, c'est Toto. C'est enfin, le opposé si de tu funk. Mets le morceau de Toto est plus... Oui, c'est encore moins c'est funky. C'est avec... moins funky. Ouais, mais c'est... Bah parce que c'est le Purdy Shuffle. Oui, c'est ça qui le rend. Enfin, une extraction de ouais. Ça. Quoi. Moi, je trouve ça intéressant, toutes les influences du funk. Parce que moi, j'ai dit tout à l'heure que j'écoute pas beaucoup de very hard funk, mais j'écoute beaucoup de musique funky. C'est ça que j'aime beaucoup, le boogie funky, disco funky, jazz funk, Prince. Ouais. Prince. Comme ça. Étonnant. Étonnant, ouais. Allez, ouais. On met un morceau de jazz funk, ouais, de funk européen. Funk européen, oui. Ça, c'est un guitariste suède. Et en fait, c'est le morceau. Jana Schaefer. Et ah oui, je le vois plus. Là. Ah oui, je l'avais mis là. Et en fait, ça, c'est un des seuls morceaux où il y a toute la famille Porcaro qui est présent. Tous les trois frères. D'accord. Et le père qui fait le production, okay. Le mixage. Donc Jeff, Mikey, Tony, non, Billy, je sais pas. Ok, on écoute ça. Porcaro Brothers, Janne Schaefer, Janne Schaefer, Sweden, Swedish funk. Thank you. Weird Funk. Yes. Novelty Funk. Ouais. Ouais, pourtant ce groupe, c'est Lafayette Afro Rock Band. Ah ouais. Non, c'est pas mal. Je sais pas, c'est Dr. Bizarre. Dr. Bizarre. Saul Frankenstein. Ah oui. Frankenstein. Okay. Cool. Ça, c'est des. Ouais, cool, hein. Ça t'a plu le Swedish Funk? Ouais. Très, très bien. Très, très bien. Bien représentatif de. Que ça pourrait être le Swedish Funk. Oui. Une guitare très présente. Oui. Doublement deux pistes de guitare. Mmh. Oui, avec le twin. Mais des prises différentes, quoi. Oui. Serait-il guitar. Possible de passer Alliance Ethnique pour Nate? Ah oui. Simple et funky. Tu connais ce morceau, non? Non. Bon, je lui ferai écouter après l'émission. D'accord. Pardon, oui, on mange, c'est l'apéritif. Alors, on va continuer peut-être sur notre lancée de Weird Funk, mais je ne sais pas si tu as du Weird Funk. Qu'est-ce que j'ai de Weird? Dirty Mind, c'est un peu Weird. Non, ouais, pas trop, pas vraiment. Peut-être on va finir avec Prince, parce que Prince, c'est un peu la star. Perfection du funk. Du funk? Ouais, c'est vrai. Et c'est un guitariste, donc tous les guitaristes te sont chers. Oui. plus que les autres musiciens, quoi. Oui, un peu. Guitariste, bassiste. Un peu. Étant toi-même adepte. On peut passer à Ben Tankard pour changer un peu. Ouais. Ça, okay. C'est. Tu peux commencer déjà, on peut parler sur le début. Ça, c'est instrumental, c'est un peu. C'est aussi. On se revient avec le gospel funk, mais c'est instrumental. C'est très funky, tu vas l'entendre. Et c'est beaucoup de DX7. Parce qu'on parle de ça tout à l'heure. Ouais. C'est très clavier, synthé, Yamaha, années 90. Oui ce son de Glock. Ouais. Glock. C'est pas Glockenspiel, mais. Oui, c'est quoi ouais, ça ouais, c'est DX7. La boîte à rythme, c'est ouais. Slow, smooth. On est loin du funk. quand même. Smooth funk. Ouais, smooth funk. Moi j'aime bien le smooth funk. Mais c'est R&B quoi, non? Mais c'est smooth, hein? C'est smooth jazz plutôt. Mais ouais. Le smooth jazz c'est souvent très funky. C'est... Non mais c'est vrai. Oui, oui. C'est beaucoup plus funky que le jazz traditionnel. Ouais, ouais, c'est vrai. Écoutons ça. Ben Tankard. Ah bon. Keynote speaker. Thank you. Fun tracks. Yes, everybody is giving it up. Gotta find your groove. Eh ben voilà, bon c'est un album d'Herbie Hancock dont on n'a pas parlé. Encore si on a parlé hors antenne des lives très bizarres au Japon, oui. 85, oui. Qu'on voit sur YouTube. C'est l'album, c'est Light Me Up, sorti en 82, et le morceau Fun Tracks, c'est le second morceau de la phase B. Funk Legend. Funk Legend, ouais, Funk Jazz Legend. Bon, le solo de synthé est particulièrement bienvenu. Oui. Très surpris. Bon, je vais réécouter cet album là par la suite, qui a l'air moins mauvais que, que ce qu'on aurait pu croire de prime abord. C'est bientôt la fin de cette émission. Dans 6 minutes, à peu près, on va mettre un morceau de Prince, c'est ça qu'on voulait faire. Parce que. Moi, je crois que Prince, c'est un des maîtres de funk. C'est the king of funk. C'est un peu le king of funk, encore plus que James Brown, même. Je sais que c'est... Ah, ça, c'est... Attention, là, tu vas avoir des détracteurs. Hein. Peut-être. Ouais, là, je vais le dire quand même. T'es iconoclaste. Tu casses les idées reçues, là. Non, mais c'est débile de dire ça, parce que... Oui, c'est bah... C'est sûr bon. qu'il vient de James Brown, Prince, mais... Ouais. Ah. De la cuisse de James Brown. Oui. Wouldn't you love to love me? Ça c'est... Pardon. Oui, ça c'est un morceau qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, je me souviens pas qui, mais ça c'est son démon, mais c'est très funky, ça le trademark, le funk, un peu la syncopation, anticipation, avec le truc qui vient un peu avant le downbeat, tu sais. Ouais, oui, oui. Et le bass, tout ce qu'on aime, Prince. Ouais. Allez. Merci Nico. Ouais, de rien, à bientôt, à la semaine prochaine, merci. À bientôt. C'est bon. De rester à l'écoute. baby, would you mind? Would you let me be your man?